Cette chanson qui fait basculer notre âme dans une dimension et dans une autre. Ces chansons, ces cantiques qui font basculer nos âmes dans une dimension comme dans une autre. Ou mieux encore, ces cantiques qui font vibrer nos chairs au rythme de la sensation humaine. Ces cantiques qui font vibrer nos chairs dans les rythmes des sensations dont très souvent nous avons la chair d'épaule. Mais ô combien important pour notre âme, lorsque nous adorons en vérité et en esprit notre Rédempteur et notre Créateur. Ô combien important. Donc pendant que nous chantons ce cantique, ça me pousse donc à poser une question que je me pose toujours et qu'il faut que nous tous nous posions. D'accord. Et je crois que c'est une question. Bonsoir. Bonsoir. J'ai oublié les civilités. Je crois que ces choses-là sont plus. On sent au-dessus des civilités. Mais ce n'est pas, pas la raison pour laquelle il ne faut pas être civil. C'est pas ça, frère. Donc, bonsoir. Pas un bonsoir comme les autres bonsoirs qu'ils pourraient vous souhaiter. D'accord? Parce que le bonsoir que je m'en vais vous donner, c'est un bonsoir qui contient. Je vais titiller encore. Vous permettez qu'il titille. En fait, même s'il titille, ce n'est pas pour vous blesser. Vous savez, quand le médecin met un peu d'alcool, la bétadine, il essuie les plaies là. Ça fait mal. Mais c'est pour un bien. Il faut qu'il extirpe les pus. Parce que s'il y a les pus qui sortent, après on scotche là et puis Dieu fait le reste. Pas vrai? Vous permettez donc, je vous dis un bonsoir donc. Donc, lorsque nous entendons, alors mon cœur redit la nuit, le jour. Est-ce que ça dit vraiment la nuit, le jour? Est-ce que le cœur vraiment dit la nuit, le jour, où nous suivrons ce rythme-là, tout simplement? Voilà pourquoi je t'en ai posé la question, n'est-ce pas? Alors, mon quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, l'est-il vraiment? C'est-à-dire que, est-ce que c'est vrai? Alors mon cœur redit la nuit, pas que toi tu dis, ton cœur. Comme le psalmiste a dit que son cœur dit de sa part, cherche ma face. C'est-à-dire qu'une autre personne habite ton cœur, il te dit, comme quand quelqu'un vient à ton oreille, lève-toi, prie. Dans ces cas-là, quelqu'un dit qu'un cœur m'a dit que va, un autre cœur a dit que non, il a deux cœurs dedans. Alléluia. Donc un cœur m'a dit que, un autre cœur m'a dit ceci. Donc alors mon cœur redit la nuit, le jour. Vous savez, un livre vient de défiler devant moi maintenant. Ça va nous conduire certainement quelque part. Alors mon cœur redit la nuit, le jour. Donc, c'est un chant qui, comme vous savez, comme la machine à la moulinex là, quand ça tourne, vous savez qu'il y a la roue menante et la roue menée. Quand la roue menante en retourne, la corde ne fait que tourner. Donc, ça veut dire que ça redit la même chose. Quand ça tourne, vous regardez dans le maïs là, vous voyez comment. Il y a un système d'engrenage qui ne fait qu'amener le maïs d'un côté écrasé. Il dit, alors mon cœur redit la nuit le jour. Donc ce qu'il a dit le jour, ça dit la nuit. Après on donne ce que ça dit. Qu'un Dieu si grand, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Frère, je pose la question. Notre cœur dit-il cela? Vibre-t-il au rythme de la réjouissance en notre Seigneur? Donc ça c'est une question. 1 Jean chapitre 4. Merci Père, nous te rendons grâce parce que chaque fois que nous dérapons, tu uses de tes moyens avec des chicotes pour nous faire retourner à toi. Nous en sommes infiniment reconnaissants pour ce moment que tu nous accordes en ta présence. Puisses-tu donner au Dieu afin que notre cœur vibre au rythme de tes sons et de tes mouvements. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ce qu'on va aborder là, il va toucher, vous faire part de mon cadeau là. Puis je vais entrer maintenant dans ce qu'on va titiller ce soir. Vous permettez? C'est parce que je vous aime. Donc c'est parce que je suis venu un peu en retard parce que je suis allé prier pour quelqu'un quelque part, pour une famille quelque part. C'est pour ça que je suis venu en retard. Donc m'en excusez. Que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse les gens. Je vous dis. Dieu bénit vraiment les gens. Que leur bouche en parle. Donc 1 Jean chapitre 4, vous y êtes. Bon, comme vous êtes les biblistes et comme vous allez lire la Bible avec les différentes versions, en cherchant même en grec, je vais seulement citer les passages maintenant. Et puis, comme vous avez ça devant vous, je vais lire les puis je vais dire quelque chose. Si vous lisez le livre de Jean, chapitre 15, les 7 premiers versets, le Seigneur Jésus parle de cette similitude-là entre le cèpe et le sarment. C'est ça? Il dit, si quelqu'un demeure en moi et qui ne porte pas de fruits, il est jeté au feu. Donc c'est le Seigneur Jésus qui nous dit que tout sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruits, il coupe ses sarments et les jette. Pour ceux qui ne partent pas au champ, ils ne peuvent pas comprendre ces choses-ci. Pour ceux qui ont le caféier, je vous dis cela, il y a un produit, et il y a une plante qui pousse sur le caféier. Vous savez le champ de café, vous allez voir qu'il y a une plante qui pousse sur le caféier. La feuille ressemble au caféier. Ça ressemble au café. De temps en que vous pouvez confondre ça lorsque à sa jeunesse, lorsque le café est à sa jeunesse, vous pouvez confondre ça au véritable café. Mais lorsque le moment de café arrive, que vous voyez si c'est le café arabica ou bien robusta, vous allez voir les grains verts qui sortent de part et d'autre, mais sur cette branche-là, ça ne sortira jamais. Vous avez remarqué ça? Les vrais planteurs passent autour et coupent cela et jettent et ça sèche. Quand ça sèche, c'est abondant, on recoupe ça quelque part, on y met le feu. Ah, Seigneur! Vous savez, ça, bien aimé. Alors, c'est comme, pourquoi est-ce qu'on enlève cela? Quand vous allez remarquer, vous observez le caféier. Beaucoup d'entre vous, vous êtes nés en ville. Vous grandissez en ville, tout ce que vous entendez, c'est les vrombissements des motos. Puis encore, on attend maintenant que nos villages deviennent maintenant, que ça s'urbanise. Donc, on fait qu'on débrousse toutes les brousses pour qu'on va. Et c'est là où on est sorti. Il faut qu'on y retourne dans la plantation. La plantation. Ça va être dur, on va retourner à la plantation. Donc, pour ceux qui ont le café, quand vous observez le café, cette plante-là a plus de l'embonpoint que le café. Le café est rugueux, les branches de café sont rugueuses. Mais cette branche-là particulièrement, vous comprenez ce que je suis en train de parler, de quoi ils sont en train de parler, mes frères? Ne me regardez pas comme ça. Si vous avez été au champ, vous comprendrez ce que je suis en train de dire. Cette partie de branche-là, on coupe souvent, en fait, c'est même pas dû pour couper. Avec la main, vous faites comme ça, pam, ça se détache de là où ça s'est greffé. On n'a pas besoin de la machette pour y couper. Vous savez ça, n'est-ce pas? On arrache tout simplement. Et maintenant, le problème, c'est que c'est attaché au caféier. De telle façon qu'à un moment donné, ça se confond, les feuilles, avec le caféier. Mais le problème, c'est qu'à la moisson, quand vous regardez le caféier, ça ne produit pas. Cette partie ne produit pas. Vous comprenez, frère? Maintenant, j'ai dit donc que c'est chargé d'un bon point. C'est-à-dire que quand vous regardez, ça, c'est souvent vert, brillant, pour montrer que ça vit bien. Mais la question, c'est... Pourquoi lui, il brille comme ça? Il suce la sève naturelle du caféier naturel. Vous avez remarqué ça, frère? Il suce là. C'est-à-dire que les substances nutritives dont la racine du caféier tire du sol, il participe à cela. Donc la vie qui est censée passer dans le caféier, dont le caféier produit en disant Amen, c'est cela en participe aussi. Si on prend cela comme... avec notre système de religion aujourd'hui, on dira que cette plante-là, c'est la plante de ceux qui se disent chrétiens, de la religion chrétienne et qui ne sont pas. Donc, qui confessent Jésus-Christ comme leur Dieu, comme leur Seigneur, et ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils participent. La vie là coule aussi là-bas. Mais la vraie chose, c'est qu'ils ne peuvent pas produire le fruit. Quelle sentence réserve-t-on à cette chose qui est chargée d'un bon point dans le champ? Quelle sentence? C'est le feu. Mais pourtant, il participe à la vie. Je veux que vous compreniez ces choses-là. C'est ce que le Seigneur a dit dans Jean chapitre 15. C'est tout semence qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il est coupé. Mais voici le vrai problème entre toi et moi. D'accord? C'est que le serment n'a pas voulu être serment. Voici le vrai problème. Chaque fois qu'on y arrive, c'est là où ça se trouve. Quand vous allez au champ là, vous voyez le café, vous voyez ça au-dessus. Le café a décidé d'être caféier. Hein, frère? Non. Pourquoi vous êtes à fâcher alors que je n'ai même pas encore commencé à parler? J'ai dit, le caféier n'a pas décidé d'être caféier. Cette plante qui pousse au-dessus n'a pas décidé de pousser dessus. Quelqu'un les a mis là-bas, l'un et l'autre. Quelqu'un les a mis là-bas, l'un et l'autre. De telle façon que chacun doit jouer seulement son rôle. Et les grains de café qui doivent sortir, le nombre de grains sont comptés. Dans le livre des Juges, chapitre 14, lorsque Samson est descendu chez les Philistins, il a vu une fille là-bas où la fille était belle. La fille faisait comme ça là. Il a dit que merde. Il a dit à ses parents de descendre, prenez cette fille là. Les parents ont dit, Salomon ont dit que mais attends, c'est quel genre d'opprobre ça que tu veux de nous? Il n'y a pas de filles, des belles filles parmi les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu en descends chez les Philistins, chez ces filles. Il a dit, oh, vous dérangez. C'est elle que je veux pour femme. Le verset 4 de ces Juges, chapitre 14, dit que. Ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Dieu qui a interdit dans la Torah que vous n'allez pas chercher des enfants, ne faites pas donner le vos enfants au mariage et le mariage de ce peuple-là, de peur qu'ils n'entraînent à adorer à leur Dieu, a organisé cela parce qu'il voulait qu'il y ait un problème entre les Juifs et les Israéliens pour qu'ils attaquent Dieu. Il dit que ses parents ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Parce qu'ils cherchaient une occasion d'attaque avec les Philistins pour qu'il y ait un problème. Vous voyez là où ça conduit Salomon, n'est-ce pas? Vous allez culpabiliser Salomon n'importe comment. C'est sa voie de sortie dans le monde. Nous entrons tous par naissance, nous sortons par la mort. Et la mort a de diverses façons de sortir. C'est vrai ça, n'est-ce pas? Oh, il peut m'en crever les yeux avec les boules qui tombent sur lui. L'autre peut mourir par accident, l'autre peut mourir asphyxié, l'autre peut mourir n'importe comment. Mais là n'est pas le problème. Le problème, c'est d'où tu sors, où tu vas. Alors, où tu sors, ce n'est pas toi qui as le problème. Où tu vas, non plus toi. Tu es ici, même si tu es fâché, tu ne peux pas sortir. Amen. 1 Jean chapitre 4, le verset 13, donc, vient nous compléter cela. Avant qu'il raconte mon histoire, cette histoire-là, c'est mon cadeau que Dieu m'a donné. Parce que ceci a trait avec tout ce que je vous ai dit ce soir. Donc, quand je vais finir de raconter mon histoire, maintenant, on va commencer l'enseignement. Vous allez me permettre d'enseigner vraiment, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas enseigné ici au milieu de vous. Et je sais que ça vous a aussi manqué, pas vrai? Ça a fait comme si on avait coupé la sève. Mais, vous êtes avec moi, je suis avec vous. D'accord? Donc, 1 Jean chapitre 4, verset 13, dit ceci. Le verset 13. Il dit que nous savons. Vous avez vu le mot? Vous avez vu ça? Vous avez vu? Je veux qu'on guette effectivement ce qui... C'est maintenant que d'autres sont allés ouvrir 1 Jean chapitre 4. Pourtant, j'ai demandé d'ouvrir. Ils ont débavardé les histoires le temps que vous arrivez à ce chapitre-là. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 13 dit que nous savons. Je veux que vous compreniez d'abord ce mot. Donc, c'est une certitude. Nous savons que nous demeurons en lui. Lui est mis pour le Seigneur Yahushua, n'est-ce pas? Et qu'il demeure en nous, virgule, en ce qu'il nous a donné de son. Ah. Souvenez-vous de Jean chapitre 15, verset 1 à 7. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Celui qui demeure en moi et qui s'il porte des fruits, le Père le monde afin qu'il porte davantage. Et c'est exactement ce qui arrive. Vous remarquez les mangas, on coupe les vieilles branches, quand ça s'ouvre pour permettre à la luminosité d'entrer. Quand ça pousse maintenant, les nouvelles branches qui portent davantage de fruits pour l'année prochaine, pas vrai? Ils coupent davantage. Ça, vous allez aller dans les champs de cacao et maintenant cette fois-ci, quand c'est tout fait, les gens passent avec les ciseaux. On coupe certains branches, pour permettre à ce que la lumière entre. Quand la lumière entre, avant que la saison d'après arrive, quand les nouvelles plantes qui sortent, les cacao débarquent là-bas, en grand nombre, le cacao reproduit encore davantage. On dit donc qu'on coupe, on cisaille, on taille pour que ça produise encore des fruits. Il les monde pour qu'ils produisent encore davantage de fruits. Mais il dit qu'il faut demeurer. Alors, c'est quoi demeurer en lui? Demeure en lui. Enfin, ça fait l'objet d'un certain test que je vous ai donné, c'est d'aller regarder. C'est quoi être en Christ? Réfléchissez-en. Réfléchissez-en parce que notre vie en dépend. Notre vie en dépend. C'est quoi être en Christ? C'est quoi être en Christ? Réfléchissez-en parce que notre vie en dépend. Réfléchissez jusqu'à vous ayez trouvé. Ça ne sert absolument à rien de réciter 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit qu'on a écrit le nom de Junior là-bas, on a dit que c'est quelqu'un. Il faut, si c'est quelqu'un, ça semble être toi. Vérifie vraiment. Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça ne sert à rien de réciter tout simplement parce que Satan réciterait de la même façon. Les témoins de Jéhovah en récitent. Quel qu'en soit, même si c'est un païen qui prend un récit, il lit cela, ça sera la même chose. Mais la réalité de ces versets-là est le vrai problème. La réalité de ce qui est contenu dans ces versets, c'est quoi être en Christ? Réfléchissez-en. Réfléchissez-en. Passez du temps là, réfléchissez-en jusqu'à ce que vous ayez au point où il faut pour notre âme. Alors dans ce 1 Jean chapitre 4, le verset 13, il dit que nous savons. C'est l'apôtre Jean qui le dit. Il dit nous savons que nous demeurons en lui. Autrement dit, voici la preuve que nous demeurons en lui. Si tu lis la Bible, tu dis, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte de fruits. Il dit, c'est quoi demeurer donc en lui? Ou bien c'est quoi s'il demeure en nous? Comment? La Bible déclare que nous savons que nous demeurons en lui. Voici la preuve que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Donc que nous sommes un, comme il a dit dans 1 Jean chapitre 17 là. Et afin que je sois moi en eux, eux en moi. Pas vrai? Dans la communion d'esprit. Il dit que voici donc la preuve, dans 1 Jean chapitre 4, verset 13, que nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Voilà la preuve. La preuve, c'est qu'il t'est donné, marqué, ce dont le Père a marqué de son sceau. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 17, que vous ne savez pas que vous êtes le temple de Dieu, le temple de Dieu. La question c'est, est-ce que c'est vrai? Ça, là est la question. Et oui, il est entré. Peut-être l'esprit est entré alors que je dormais. Peut-être un jour qu'on avait présenté entré. Faites attention. Vous devrez savoir. Vous devrez. Vous ne parlez pas ou bien je coupe là. Vous devrez. vous devrez savoir. C'est un côté qui parle dans ça, c'est-à-dire que le côté c'est à l'esprit, le côté c'est n'a pas l'esprit. Que Dieu vous bénisse de toute façon. Vous devez savoir. Nous devrons savoir. Voilà. Nous devrons savoir. Parce que Jean a dit là que nous savons. Eh bien, si nous ne savions pas, il faut que nous sachions. C'est en ce sens-là qu'on peut reproduire le fruit. Parce que la vie de Christ coule dedans. C'est en ce sens. C'est uniquement là-bas. En ce sens. Qu'on peut produire la vie de Christ. Alors, si on n'a pas cette vie de Christ, on va essayer de l'imiter. Si on n'a pas cette vie de Christ, on va essayer de limiter. C'est quoi l'imitation? À côté de la maison, j'ai observé par la fenêtre, j'ai vu quelque chose. Vous savez, j'observe. J'observe beaucoup. J'ai vu quelque chose. Deux papayers côte à côte. L'un des papayers ne produit pas de papayes, l'autre papayé produit de papayes. Côte à côte, j'observe. Je suis à la fenêtre, je me dis, je suis étonné. Je regarde feu après feu pour voir s'il y a quelque chose qui, en dehors des fruits, pourra différencier cela. Je n'ai pas remarqué. Vous savez, au moins, c'est un style de papayer. Un style de papayer qui produit ce genre de fleurs. C'est abondant là, mais ces fleurs ne multiplient pas, ça ne devient pas le papayer. Mais en réalité, si vous prenez ces fruits que ça produit là, ces petits fruits qui va produire comme fleurs, vous remarquez très bien, vous allez observer que lorsque celui qui va produire le papayer commence à produire le papayer, en fait, les fruits sont identiques de la même façon. Mais cela n'avance pas à la maturité. Et en plus, ça sort en branche comme ça, comme si c'était une branche, c'est partout. Pourtant, le vrai papaye s'attache plutôt exactement à la branche, à la quoi? Au tronc. Vous avez remarqué ça, frère? Je suis à la fenêtre, j'observe, je suis étonné. Là, le papaye est identique aux deux, tant que tu n'y as pas le moment de production de papaye. Vous voyez ça? Donc, si c'est jeune, si les deux papayes sont jeunes, on va dire que wow, j'ai beaucoup de papayes ici. Mais à la moisson, frère, l'un ne produit pas. À la moisson, l'un ne produit pas. Alors franchement, il ne sert absolument à rien là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire, attention? Il faut couper. Il faut couper. Et quand bien même quelqu'un va couper, vous voyez effectivement celui qui a le champ à côté, il vient couper sans savoir qu'il en a fait une. Il a accompli, il vient comme ça, accomplir une prophétie biblique. Il vient comme ça, il regarde comme ça là. Pas, il dit pas prophétie, il regarde, il évite celui qui porte le fruit, il coupe ça comme ça, il jette. Il veut dire tu ne sers à rien et ici. Sans être chrétien. Tu ne sers à rien ici. Il coupe. Il regarde le papier, il tape, il dit ceci n'est pas encore mieux. Il dit, on t'attend, pourquoi tu mûrisses? Pourquoi ce papayé s'est coupé? Ça semblait être le papayé. Ça imitait le papayé. Au moment où il faut produire le fruit, c'est là le test. Au moment où il faut produire le fruit authentique, c'est là le test. Il peut être, je dis que je suis papayé, je suis belle, hein? J'ai grandi vite, hein? Grandi trop vite, on attend le fruit. Pas vrai? Ah, vous ne parlez pas vrai? Voilà. Alors, ce qui arrive, donc, c'est que beaucoup de personnes donc, ont cherché les substituts à la vie de Christ pour arriver à ce niveau-ci. Imiter la vie de Christ. C'est ça la religion chrétienne. Imiter la vie de Christ. On peut fabriquer donc les instruments pour produire les sensations. Tel qu'on chante, on a les sensations. On peut produire les instruments de musique avec les sensations. Vous voyez, par exemple, dans le livre des Nombres, la Bible déclare que la gloire de Dieu était remplissée, le temple était l'ancien, qu'on les sacrifiés ne pouvaient pas faire le service. Vous savez ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la fumée là était tellement là, parce qu'ils ne pouvaient pas se voir, parce qu'ils ne voyaient même pas les instruments. Aujourd'hui, le spectacle mondain dit qu'il faut qu'on construise le podium. On jette un peu de vapeur qui fait. Ouf. Après, maintenant, les musiciens sortent de l'intérieur. Les chrétiens sont entrés à l'intérieur. Donc, ils produisent la gloire sur le podium. C'est que Moïse n'a pas fait. C'est que les apôtres n'ont pas fait. On imite, on essaie de produire cela. Quand ils sortent de la foule, ils disent waouh, tel, un tel. Les filles tombent évanouies. Que voilà mon idole. Les imitations. Donc on essaye de produire les choses spirituelles par des moyens charnels. Par des moyens pensés. Parce qu'ils sont de l'ordinaire, des pensées de l'homme. Alors que les choses de Dieu, tu ne peux pas y penser. Tu ne peux pas. Parce que si tu penses ce que Dieu va faire, c'est que tu es Dieu. C'est pour ça que quand il agit, il surprend toujours. Il surprend toujours. Comment Dieu peut dire à l'apôtre Paul, lorsqu'il appelle, que c'est un instrument que j'ai choisi qui va porter mon nom dans toutes les nations? C'est ça qu'il a dit, frère. Oh, à un chapitre, il passe à une ville, il dit, mais voici le païen, on m'a dit que les Éphésiens sont des païens, il dit qu'entre là-bas, le Saint-Esprit dit qu'il n'entre pas. Il n'y a pas les hommes là-bas. Vous avez lu ça dans votre Bible, frère? Vous avez lu dans la Bible ça, ce qu'il s'en dit là? Le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus ne leur permet pas. Donc, il veut entrer pour aller prêcher. Alors, je pose la question. Essayez de vous imaginer tout simplement comment le Saint-Esprit ne leur permet pas. C'est mourir tout simplement. Comment la voie des fesses est ouverte, comme quelqu'un arriverait à Douala, l'axe loup est ouvert. il veut entrer à Douala, on dit le Saint-Esprit ne permet pas. Comment le Saint-Esprit fait pour ne pas le permettre alors que la voie est ouverte? Parler du Saint-Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit. Comment? Vous me suivez? Le Saint-Esprit ne le permet pas. Je veux que vous regardiez ici. Il a été appelé à annoncer la parole aux nations. Aujourd'hui, nous avons fabriqué les principes humains, donné les tracts, les quatre vérités spirituelles. Si tu connais quatre vérités, ça fait quoi? Satan connaît toutes les vérités spirituelles là. Vrai ou faux? Les dieux mitra, les Égyptiens là, quand vous voyez, avant que Nimrod, avant que le Seigneur Jésus ne vienne, il y avait le culte mère enfant, une femme qui devait enfanter un fils là-bas, longtemps avant que le Seigneur Jésus ne vienne. Ils ne connaissaient pas que une femme qui va engendrer un fils qui va sauver le monde. La même chose est dit sur Sémi, Ramès, et Nimrod. La même chose est dit sur Osiris et Isis. La même chose est dit sur Krishna et Shiva. C'est la même chose est dit plus de 3000 ans avant que Jésus ne vienne, parce qu'ils connaissaient ce qui devait arriver. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas empêcher. Il a créé ces amalgames là pour que quand ça va, là, le vrai va venir. On voit effectivement qu'il y a une similitude entre les chrétiens et les raisons païennes, parce qu'il connaît les lois du ciel. Il connaît. C'est pas à lui que Dieu disait que la postérité de la femme va te vaincre. Quand on dit, il ne comprenait pas. Hein? Il comprend, mais il ne peut pas arrêter. C'est ça le problème. Donc je vais vous faire comprendre ceci. Satan en est de produire au milieu chrétien les choses qui sont semblables aux chrétiens, aux choses que les chrétiens doivent produire. N'aimons pas l'imitation. Nous avons l'authentique. Nous avons un Dieu authentique. N'aimons pas l'imitation. Nous avons un Dieu authentique. Et un Dieu authentique fonctionne selon ses principes. Alors, aujourd'hui, on a fait des campagnes d'évangélisation. Et pourquoi? La grande commission. Donc, c'est seulement au 21e siècle qu'on a compris que Matthieu 28 parle de la grande commission. Les gens périssent dehors. Avant que tu sois au courant que les gens périssent dehors, combien ont péri? Donc, le Jean chapitre 1, Jean chapitre 4, nous avons le verset 13 là, devrait appeler chacun à l'ordre de vérifier si oui ou non nous demeurons en lui et il demeure en nous. Alors, si nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, nous produisons des fruits. Il va nous conduire. Par exemple, l'apôtre Paul, quand il était en lui et qu'il demeure en lui, lorsqu'il partait à Éphèse pour annoncer, l'Esprit de Jésus ne lui permit pas. C'est pas ça, frère? Il ne le permet pas. Alors, ils ont passé la nuit quelque part. La Bible déclare que dans la nuit, il eut un songe. Un Macédonien qui criait, passe en Macédoine et secoue nous. On a dit quoi? On n'a pas dit que toute la Macédoine. On a dit un Macédonien. La Macédoine est comme tout le littoral. Toute la région du littoral. La Macédoine. Passe en Macédoine et secoue nous. Ok. Mais ils partent à Philippe, dans une ville de la Macédoine, comme Édéa. Mais une province, une région est constituée de plusieurs villes. Alors, dans quelle ville de la Macédoine c'est joli, quoi? C'est Macédonien, c'est trouve. Ils vont là-bas, ils commencent à prêcher. On dit, grand, on l'amène en prison. Donc, la procédure pour trouver le Macédonien ne dépendait pas d'eux. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu guidé par le Saint-Esprit? Est-ce que vous avez vu guidé par le Saint-Esprit? Passe en Macédoine et secoue nous. À son réveil, nous concluons que le Seigneur veut que nous annoncions l'évangile où? En Macédoine. La direction du Saint-Esprit. Donc, ils quittent l'endroit où ils ont dormi. Ils n'annoncent pas l'évangile. Ils posent la question, y a-t-il des gens là-bas? Jésus n'a-t-il pas dit qu'il allait faire le tour de la nation des disciples? Ils quittent là-bas pour aller annoncer la bonne nouvelle pour chercher un Macédoine qui est perdu là. Les autres, la personne ne sont pas les perdus. Il faut qu'on fasse attention. L'évangéliste Philippe se trouve en Samarie en train d'annoncer. L'ange lui dit que va du côté du désert, vers la route du Gaza qui est désert, qui descend à Azot. Là, il descend. Il dit, approche-toi de ces chars. Il s'approche des chars. Le char continue. La personne lui dit que. Il a été annoncé, il a été amené comme un brebis. Écoutez, il dit, approche-toi de ces chars. Quand il était en Samarie, il savait que quelqu'un était marché là, sur la route là. Lorsqu'il lui a dit de quitter là-bas pour aller sur cette route déserte là. Y a-t-il pas des gens en Samarie? Qu'est-ce que le Seigneur vient de nous montrer au juste? Que les âmes lui appartiennent. Et il sauve qui il veut. Comme il veut. Quand il veut. Vous êtes avec moi, frère? Il dit, entends-tu, comprends-tu ce que tu lis? Lui aussi, il dit, comment il peut comprendre si personne ne m'explique, si il n'y a personne pour m'expliquer? Donc, il est là, il est à la bonne personne qui devait lui expliquer cela. Pas vrai, frère? Donc, ça veut dire que si Dieu n'avait pas envoyé celui-là là-bas, il va lire l'histoire biblique. Il va lire quoi? Prendre les informations sur la Bible. Jusqu'à mort, un vendredi, hein, il t'est récité trois, il a fait trois gâteaux. Oui, c'est une information. Tout le monde peut connaître ça. Satan, en fait, Satan connaît même le vrai. Le vrai jour qu'il est mort. Connaît même le vrai jour de sa naissance. Nous nous approchons là. Il dit bien, Satan connaît l'authentique parce que c'est lui qui l'a fait tuer et crucifié, pas vrai? Si vous voulez demander à quiconque est le vrai jour, l'authentique de la mort du Seigneur Jésus-Christ, demandez à Satan, il vous dira. Il connaît quel jour il l'a tué. Donc, il a commencé à annoncer l'évangile. S'il n'annonçait pas l'évangile à celui-là, il lirait Ésaïe chapitre 53. Une question subsisterait dans sa tête. Mais franchement, Ésaïe parle de qui? C'était lui-même ou bien d'une autre personne. Ça suffit pour lui annoncer d'une autre personne et qu'il soit baptisé en route. Amen. La question que je pose, Philippe a-t-il réfléchi qu'il faut qu'on calcule pour aller annoncer l'évangile à tous les païens, même ceux qui passent par le désert, à Azoth? S'il voulait calculer par son esprit, mais pourrait-il passer, savoir que quelqu'un est là-bas à cet instant-là? Faisons attention. L'apôtre Paul, donc, avec Silas, descend dans Macédoine. Il ne sait pas qu'il commence à parler. C'est à cause du fait que la foule qui gagne la désert, on les entrape, on les met en prison. Le macédonien qui criait dans les rêves qu'il faut qu'on le secoue, c'était au geôlier, au gardien de prison. Comment faire pour aller en prison, pour aller annoncer l'évangile au gardien de prison, puisque tu ne peux pas venir troubler le service? Il suffit d'être son ami, c'est-à-dire qu'être un prisonnier. Là, tu es plus proche de lui. Pas vrai, frère? Alors, le Saint-Esprit trouve bon de l'amener en prison. Quel est le chef d'accusation? Du fait qu'ils ont créé le scandale dans la ville en annonçant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas être des dieux. On les met en prison pour ça, pour qu'ils trouvent la personne qui doit être sauvée. Amen. Conduit par le Saint-Esprit. Amen. Donc, alors, si nous avons, c'est 1 Jean chapitre 4, le verset 13, réfléchissons-y, méditons-y, demeurons-y pour savoir si nous demeurons. Demeurons dans ce passage-là, pour savoir si nous demeurons. Si vous mangez du lait, vous saurez que vous avez mangé du... Si ce n'est pas bien, si ce n'est pas vrai, quelque chose que vous allez raconter à quelqu'un que j'ai mangé du lait, quand vous allez rester tranquille, vous savez que vous avez menti. Vous comprenez ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Vous comprenez ce qu'il veut dire, n'est-ce pas, frère? Donc, on vous raconte que non, quand tu as confessé Jésus, tu as reçu l'esprit. Donc, quelqu'un te dit que lorsque tu es entré dans le restaurant, tu es sorti là, tu as mangé le ndolé, tu crois. Comme tu es entré dans le restaurant, tu es sorti là, tu as mangé le ndolé. Et juste parce que toi-même, tu t'es réfléchi, tu peux te convaincre, oui, quand je suis entré, j'ai mangé le ndolé. Ok. Restons tranquilles, quand tu auras faim, tu sauras. Amen. Alors, donc, la semaine dernière, après la radio, vendredi, après, je suis en train de vous raconter donc l'histoire qui est liée à ceci. Après la radio, trois ou quatre jours avant, j'ai ressenti des sensations bizarres. Quand j'ai ressenti ces sensations bizarres, je sais que quelque chose est sur le point d'arriver, mais je ne sais pas quoi, j'essaie de contrôler. Quand c'est comme ça, même à la radio, je suis aux aguets. Quand un coup de fil sonne, je suis en train de sonder l'esprit pour savoir si c'est une personne qui vient attaquer ou si c'est une personne qui a des problèmes pour savoir ce qu'il en est. C'est comme ça dans l'une des radios, quand on était en train de prêcher en 2012 là-bas, il y a un Rosicrucien qui a appelé pour commencer à parler. Non, il a envoyé un SMS. Pendant qu'on était sur le plateau, le Saint-Esprit m'a dit que rappelle que le SMS, c'est un Rosicrucien qu'il faut qu'il se repente. Je l'ai dit, et puis la personne a réagi maintenant, commencé à sortir des termes Rosicruciens. Les pasteurs qui étaient sur le plateau m'ont regardé comme ça. Comment? Ils sont allés bavarder là. Le SMS qu'on a lu, c'est parce que tout le monde a traversé, c'est un Rosicrucien qui a envoyé. On commence à l'appeler frère aux antennes. Donc quand ces sensations arrivent, je contrôle tout pour voir si quelque chose ne va pas. Alors, vendredi, je suis à la radio, on suit la radio, j'observe la jeune fille qui en est parlée, je vais savoir si c'est elle qui est le problème. Je regarde à la technique pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas, je surveille les alentours pour voir si ce n'est pas là. Alors je dis, à la maison, même chose. Alors je me couche très tôt le matin du samedi, je sors. Je suis sorti de la maison, personne ne savait où je suis allé. Sorti avec ma culotte comme ça, je marche au quartier pour chercher, il y a un stade là-bas où je vois souvent les gens jouer. J'ai fouillé le stade jusqu'à je suis entré. Alors en entrant au stade, je me disais qu'il y avait des arbres là-bas, je pouvais me coucher sous un arbre là-bas et puis prier, dormir là-bas pendant des temps, le moment de méditation. Mais il n'y avait pas de joueurs au stade. Maintenant, il y a les fumeurs de drogue, des chanvres indiens qui se trouvaient là-bas. En gros, ils ont les motos, ils ont les yeux bizarres là. En gros, ils étaient presque au nombre de 8. Donc la roue où j'ai débouché là-bas, était là. Donc je suis tombé nez à nez avec eux comme ça là. Vous savez, j'avais mes vins noirs. J'ai porté les vins noirs comme ça avec mon tricot et la culotte. Donc j'étais comme un don. Je me suis trouvé année à année avec eux. J'étais habillé. Quand tu voyais leur habillement et mon habillement, c'était même si d'habillement. Peut-être pouvait se dire que c'est quelqu'un qui veut prendre un aussi qui était là. Alors maintenant, le problème, c'est que en sortant de la maison, puisque je partais méditer, j'ai tendu ma main sur la Bible. Quelque chose a dit, la méditation viendra de ce que les paroles qui sont sur le cœur. Donc, je n'ai pas pris la Bible. Or, si je prenais la Bible, en me regardant, il devait voir la Bible, savant que quelque chose ne va pas. Pas vrai, frère? C'est merveilleux tout simplement ce que le Seigneur peut faire. C'est l'une des merveilleuses choses, l'un des merveilleux cadeaux que Dieu m'a fait pour cette année. Sinon, la plus grande. Sinon, la plus grande. D'accord? Donc, ce qu'il reçoit là-bas, je vous en partage. Vous allez manger aussi une partie, pas vrai? Voilà. Il y a des gens qui sont disqu'ils ont des ça. Que passe de l'autre là? Il y a encore un autre encore. Amen. Alors, j'ai remarqué que, vous savez, quand vous voyez des choses comme ça, il faut être serein dans l'esprit. Quand vous êtes, enfin, vous n'avez pas le choix que quand le Saint-Esprit vous conduit, vous ne comprenez pas ce qui se passe. C'est après que vous comprenez. Alors, je suis là comme ça là. Je ne peux plus faire marcher. Normalement, le stade a deux entrées. La personne qui m'a indiqué l'entrée du bas. Donc, en passant en bas, j'ai abouti au stade. Tous m'ont regardé comme ça là en faisant. J'ai dit que je suis mal barré ici. Mais je n'ai pas fait marcher. Parce que si je fais marcher, il dit qu'on donne comme hier. Il te racle d'abord, tu es au sol. Avant que tu fasses. Donc, tu te racles, tu vas courir là-bas, ils seront derrière toi. Alors, j'ai pris mon courage, j'ai traversé avec les veines noires. Quand tu es dans les veines noires, tu regardes le mouvement des gens. On ne peut pas savoir ce que tu regardes. Je traverse là-bas comme si je ne les connais pas. Donc, je ne les connais pas. J'ai avancé, j'ai remarqué que devant, il y avait les. Vous savez, c'est au stade. On a cloué un long banc sur lequel les spectateurs s'asseyent pour voir le match. Il n'y a pas de match. Donc, c'est le grand matin. C'est vraiment le grand matin. Donc, il n'y a pas de ballon là-bas. Alors, j'ai traversé le étage, j'allais m'asseoir quelque part. Je me dis, ils sont des sortes d'observer. J'observe le stade, j'observe la nature, j'observe le ciel pour voir les cœurs qui sont passés. Ces sensations sont toujours là. J'observe le stade, j'observe le stade, je ne vois rien. Je vois les enfants qui partent jeter la poubelle. L'autre joue avec le chien. Il joue avec le chien. Il joue avec son chien. Il dit, ah, c'est merveilleux ça. Il joue avec le chien. Il parle. Il dit, est-ce que c'est ce que tu m'as demandé d'observer? Ils sont de l'esprit pour voir ce qu'il en est. La sensation est toujours là. Je sais que ce n'est pas ça. Après un moment donné, je reste là-bas, j'ai duré. J'ai baissé comme ça. L'un des. Ils sont trois qui ont détaché des groupes. Ils traversaient le stade pour aller de l'autre côté. Ce qui fait qu'en allant vers le stade, ils pouvaient se tourner, me voir du côté droit. Alors le chef qui était devant, vraiment colosse là, s'est tourné. Il a dit, vous savez, je peux entendre à des kilomètres, je vous le dis. Sous cette tension là. A dit, le don qui est là. Il dit, c'est le langage qu'il utilise. Il dit, le don. Vous savez, quand vous habillez un genre, vous êtes don. On dit don man. Ça veut dire quoi, don man? Qui était ancien mondain de ces groupes là? Ici. Il a dit, le don qui est là, tu le nommes pour dire, est-ce que tu le connais? Moi, il dit que moi, je ne le connais pas. C'est parce qu'il a dit, que je ne le maîtrise pas. Et donc, vous voyez, il mélange le français avec l'anglais, le pidgin, ainsi de suite. Il dit que je ne le maîtrise pas. Mais il va nous dire ce qu'il fait là-bas. Après, il part rester de l'autre côté maintenant. Il me fixe face à face. Mais je suis avec les verres. Je fais comme si je baissais comme ça. Mais mes yeux sont là-bas. J'observe. Ils sont trois. Après, là-bas, ils vont entrer dans une barrière. Je suivais. Je savais qu'ils devaient revenir vers moi. Puisqu'il faut qu'il contrôle son territoire pour savoir si c'est comme ça, si quelqu'un vient pour le menacer dans le territoire. Il savait, j'étais là calme. Je suivais toujours pour savoir ce qu'il en est. Ils sont entrés dans une barrière. Alors j'ai fait une prière au cœur. Il dit, ok, c'est ici l'ultime chose. Comme je les ai vus entrer, il y a le gros, le colosse et autres là-bas. Il y avait un travail de pantalon, il y avait un autre habit vraiment. J'ai dit, c'était ma prière. Parce que c'était le dernier tournant parce qu'il devait quitter là-bas pour aller maintenant. Parce que ma part pouvait venir au stade là-bas. J'ai dit, ok, s'ils sortent de cette barrière et qu'ils sortent telle personne devant, telle devant, après telle sort devant, et qu'ils se dirigent vers moi et me parlent, je sais que c'est là. À l'instant où j'ai fini cette prière-là, ils sont sortis de cet ordre-là. J'ai dit, ah, je commence à sentir donc que quelque chose ne va pas. Ils foncent vers moi tout droit. Celui que, donc, avec l'ordre que j'ai fait dans la prière, là, instantanément, ils s'avancent vers moi à une distance. Bam, ils restent là-bas. Je fais comme s'ils ne voient pas. Depuis qu'ils viennent là, je les vois dans les veines noires. Je fais comme si c'est comme ça, comme si je fais comme ça. Ça fait que ça ne les regarde. Alors, l'autre dit, oh, donne. Je fais comme s'ils ne voient pas. Je fais comme si je suis concentré. Pourtant, celui qui sont de fixer. Il est debout comme ça. Il dit, donne. Ses yeux sont rouges comme quelqu'un qui a versé des foleries dedans. Il dit, donne. Je ne comprends pas. Il dit, donne, c'est à toi qu'il m'adresse. Il fait, ah, à moi. Il dit, oui. Il dit, ok, viens t'asseoir, on parle. La chaise est là, le long bas est là. Il prend son courage, il dit, ok, bien. Il vient s'asseoir à côté de moi. Il dit que nous, on ne te maîtrise pas ici, c'est pour ça qu'on est venu vers toi pour savoir qui tu es. Je lui ai dit, là où je suis dépassé par les événements. Alléluia. Amen. Il dit, c'est quoi le problème? Que tu dépasses par les événements? Il n'y a pas de problème qu'il dépasse Dieu. Wow, vous savez ces choses-ci. Vous savez ces choses-ci. Ah, frère. Vous lisez la Bible, vous vivez la Bible. Remarquez très bien l'ennemi éthiopien avec Philippe, l'évangile de Philippe. Quand vous lisez comme ça, est-ce que ce que tu lis, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Comment je vais lire? Je peux comprendre si quelqu'un ne m'explique. Donc, il cherche quelqu'un pour lui expliquer. Donc je suis la bonne personne pour expliquer. Vous voyez, il pose exactement le jalon pour que celui-là entre en action. L'apôtre Paul entre dans une vie, il cherche à atteindre. Comment il fait pour parler aux philosophes qui est ici là? Ils ont mis à Apollon. À un endroit, il dit que Celui-ci, c'est qui? À un Dieu inconnu. Bon, comme on ne le connaissait pas, alors je vais l'annoncer. Alléluia. Les dispositions sont là. Un fumeur de chambre, un drogué commence à dire qu'il n'y a rien qui dépasse Dieu. Je lui dis que c'est que le vrai problème, j'ai un problème avec mon père que je ne sais pas qui peut m'aider. Il dit que donc, explique ton problème, on va te dire. Comment tu parles toujours comme ça? J'ai fait comme ça, il fait ma tête, il dit, oh vraiment, vous ne pouvez pas comprendre. Il dit, oh, comment on va comprendre? On va t'aider si tu n'expliques pas ton problème. Il dit que j'ai un problème avec mon père. Il se tourne comme ça, c'est le chef qui est assis à ma gauche là. Un seul de ses bras me dépasse tout le corps. Il dit que dis ton problème, donc on va t'aider. Il dit que tu ne peux pas m'aider, vous ne pouvez pas comprendre. Il dit que rien ne dépasse dans Dieu. Il dit que c'est ça le vrai problème, parce que mon problème c'est avec lui. Ils sont tournés ensemble, tous ensemble. Mais regardez. Après, quand ils se tournent ensemble, regardez, on dit que. Après, c'est tourné, il regarde son frère, il demande à ses deux camarades. Il dit que depuis que tu es né, tu as entendu quelqu'un parler à Dieu. Il se tourne vers les deux autres, il dit, mais Mola, depuis que tu es petit là, tu as entendu que Dieu t'a parlé. Il dit que non, moi je n'ai jamais entendu même sa voix. Il dit, c'est ça le vrai problème. C'est pour ça que je vous dis que vous ne pouvez pas m'aider. Il se tourne comme ça. Il me dit, il regarde comme ça, il me guette. Je suis encore dans les verres. Après, j'enlève mes verres maintenant pour les regarder les yeux dans les yeux. Il l'a regardé. Il a dit, comment il a dit? Il a dit que si tu es dans les conditions, il dit que donne, je vois que tu es dans les conditions. Vous savez, les conditions, c'est qu'ils se disent que je suis entré dans des sectes et qu'on m'a donné les conditions et ça me dépasse. C'est pour ça que je suis allé chercher qui donner. Voilà ce qu'il a pensé. Il dit que si tu es dans les conditions, il dit que tu n'as pas de problème, mais dépasse. Il dit tout à l'heure, je vous ai dit que vous ne pouvez pas m'aider. Vous dites que vous allez m'aider. Je dis, je vois maintenant que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez solidaire. On ne peut pas m'aider. Il a commencé à bouger. Il a beau croiser les pieds là-bas. En même temps, quand il bavardait, il n'était plus sur vous. Il cherchait seulement comment il va quitter la zone là. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que pendant que je parlais, je fixais du regard tous les trois pour savoir qui il est question au milieu. Vous serez surpris seulement. Vous serez surpris par comment Dieu peut agir. J'ai observé qu'il y avait un là-bas qui était calme, qui me regardait avec. Il était pointu. Il regardait, il était calme. Alors je lui ai dit que j'ai des problèmes avec mon père. Quand ils ont dit que Dieu, j'ai dit que c'est lui le problème. C'est lui le problème. Ça fait depuis un certain temps, j'ai des problèmes avec lui, je ne l'entends plus. Celui-là, il y avait des résonances en lui. Celui qui était calme, il avait des résonances en lui. C'était de son problème que je parlais. Donc, c'était un fumeur de chanvre, mais qui avait goûté à la parole. Il a grandi dans la parole. Mais il est allé dans ces voies-là. Pour dire que tu peux être un faux médecin. C'est-à-dire que ceux qui font la fausseté. Mais tous les médecins font le faux. Tu es aussi un faux, mais tu n'es pas un faux comme le faux. Parce que quand tu es chrétien, c'est pour cela que quand le Seigneur est venu chez Zachée, Zachée n'est pas le seul collecteur d'impôts. Vous comprenez? On les haïssait parce que les collecteurs d'impôts dérangeaient. Un peu comme quand on dit policier, on dit poli quoi. C'est les gens qui prennent de l'argent. Ce n'est pas tous les policiers qui sont corrompus. Parmi les policiers, les enfants du Seigneur là-bas, que même si tu fais n'importe comment, ils ne prendront pas l'argent. Mais ils sont en peu de nombre. Et même s'ils prennent l'argent maintenant, étant corrompus, en étant trompés par la familiarité ou bien cette façon de faire des monotones qui se trouvent dans le corps. Le moment venu, la lumière pointe à l'horizon pour lui indiquer qu'il n'est pas censé faire cela. Vous comprenez ça? Il se met alors. C'est ce que Zachée a fait. Quand le Seigneur Jésus est entré, la lumière a jailli. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit ceci. Lorsque vous voyez les véhicules abandonnés sur des terrains où il y a les herbes, mettez les véhicules abandonnés là où il y a les herbes, les touffes d'herbes. Donnez un peu de temps, vous allez voir les herbes qui sont en dessous vont mourir. Vous savez pourquoi? Parce que ça cache la lumière. Ça cache la lumière. Tout autour de la voiture, ça va pousser de la voiture. Des herbes là tout autour. Mais là où il y a la voiture, les herbes meurent tout autour, là-bas. Déplacer cette voiture-là un de ces jours, quand ça a fini, parce qu'il y a la terre là-bas, déplacer, déposer quelque part, donner 3 jours et vous voyez les herbes pousser là-bas. Donc, c'est quelqu'un qui avait la vie de Christ, mais qui avait été obscurci et empêché que ça brille là pour faire jaillir. Le Christ est venu, il s'est assis dans ses maisons, il mangeait, il n'a rien dit. La lumière qui était là illuminait, ça illuminait. Il s'est levé en milieu là-bas, il dit que maintenant, c'est le caractère d'impôt, il ne doit plus être. Alléluia! Le salut est entré. Vous parlez de l'évangélisation. Alors, pendant que j'ai parlé comme ça, celui-là, ça le touchait. Alors, je leur ai dit que si vous ne me comprenez pas, cherchez-moi une Bible, je vais vous montrer ce qu'il en est. Parce que pendant qu'il était là-bas, c'était Jean chapitre 10 qui est venu. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne peux pas le suivre. Tu vas suivre quoi? Parce que tu vas marcher sur quelle direction? Sans direction, sans la voix de Dieu, tu ne peux pas marcher dans une direction. Tu vas prendre des directions que tu auras choisies ou bien ce qu'on aura choisi pour toi. Suivez ça. Alors, je dis que, est-ce que vous avez des Bibles ici? Il a dit que, donne. Si tu es dans les conditions, reste dans tes conditions seules. Donc maintenant, ça veut dire que c'est contexte pour résoudre mon problème. Et si ça avait été mon problème, il n'y a pas de solution là-bas. Est-ce que vous comprenez? En fait, ils viennent comme ça parce que comme nous recrutons dans le corps de Christ, c'est comme ça qu'ils recrutent. Parce que si je viens, on se dit que j'ai des problèmes, ils disent que non, prends ça, dis un peu là, ça va te Si tu vois comment le ciel a devenu la terre. Donc il croyait qu'il devait me recruter comme ça. C'est comme ça, il dit bien, c'est comme ça que Dieu fait avec moi. Un essai, je partais prier là-bas quelque part à Raphaël. Je crois que tu connaissais l'endroit à Raphaël. Il y a un endroit au stade où on passait toujours. C'est toujours les stades dans le coin. Maintenant, on a construit des hôtels là-bas. Je vais passer au travers du stade. Le Saint-Esprit dit, descends pas comme ça. Il me tourne, il descend. Il dit, arrête-toi. Je m'arrête. Ils sont versés ici comme ça, comme des flics. Je vois seulement la fumée noire partout, partout. Ils sont colosses. Il dit, avance vers là-bas. Il dit, hein, à cet instant-là, tu vérifies si c'est la voix de Dieu qui en était parlé. Tu vérifies si c'est la voix de Dieu qui en était parlé. Il dit, avance. Il m'avance, il me tient là-bas. Quelqu'un se tourne comme ça là-bas. Il te regarde au sol comme ça. Vous savez qu'on parle des anakim là. Il te tourne, il regarde à moi. Je suis petit comme ça là. Il vient vers moi, il dit que, oh, big. Il look son man. Tu cherches ce qu'il fait. Sur mon visage. Et là, vous comprenez que toute chose que vous faites en tant qu'être humain, si vous êtes sous la coupe de Dieu, vous le faites pour un but. Quand vous faites des exercices de la natation, par exemple, en natation, on vous enseigne comment contrôler la respiration parce que vous pouvez entrer sous l'eau pour, pendant un certain temps pour ressortir plus tard. Alors, vous savez, la technique de respiration sous l'eau, absorber de l'oxygène pour parcourir une distance avant d'y aller. Alors, quand il fait sous mon visage comme ça, je ne peux pas aspirer. Si je dis, ne me verse pas ton banga là, tu vas entendre, avant que tu entends la prochaine fois, tu es au sol. Alors, par amour pour lui, je dois accepter qu'il me verse cela pour que la parole du Christ puisse pénétrer. Il fait sur mon visage le chant. Je bloque la respiration jusqu'à ce que l'odeur se dissipe. Je reste tranquille, calme la respiration pour que ça n'entre pas en moi. Je suis là comme ça, là, il parle, il bat. Quand ça se dissipe, je parle ce que j'avais à parler. On parle, il a plus ce jour sur moi, avec la Bible sur moi. J'ai parlé. Les gens qui étaient dit que je suis pas avec toi, ils partaient. Quand ils parlent, c'est comme ça que je laisse le Saint-Esprit faire le tamis. Il s'est souvenez-vous, le filet, on jette le filet. Quand on tire, on met là-bas, on cherche le site des poissons qu'on cherchait. Vous savez, on est allé dimanche pour pêcher avec le frère Achille, avec l'autre frère, on est allé à la pêche. On est rentré bredouille. On est allé à la pêche. Mais c'était quand même une bonne partie. On est allé à la pêche jusqu'à dans l'eau. Mais je vous promets, on va attraper les poissons. Vous savez, c'est l'un des endroits, quand vous entendez ces choses, quand vous êtes sur là, dans la pratique, vous lisez la Bible, vous comprenez ce que les apôtres ont. Vous savez, dans Luc, c'est Luc chapitre 4, chapitre 5, quand Jésus a dit à Pierre que jette le filet. Il guette d'abord, vous savez, quand vous jetez le filet dans l'eau, et que ça part à 200 mètres de profondeur, le temps de ramasser ce filet, le rouler, et qu'on n'a pas attrapé le poisson, que quelqu'un vous dit, jette encore le filet. Pourquoi faut le regarder d'abord d'une certaine façon, pour dire que si ce filet entre dans l'eau, ça ne sort pas le poisson, tu vas dérouler cela. Alléluia. Donc vous êtes là, vous jetez la canne comme ça, ouais, un petit morceau de crabe vient manger ce que vous avez sur sur la maison. Il va encore recommencer, tu jettes, il faut rester calme parce que si le poisson te guette dans l'eau, il voit qu'il y a un individu qui vient l'attraper là-bas, il fuit. Il faut patienter là-bas. Tu patientes, cette main, si ferme, tu patientes comme ça. Si même ferme, entre là, les vagues sont en train de venir. Amen. Donc on est allé au parti de pêche, là on baptise souvent, c'est bon. Donc je tente de le dire ici, je vais savoir si quelqu'un me suit. J'ai parlé de quoi pour parler de la pêche tout à l'heure, frère? De quoi est-ce qu'il parlait pour parler de la pêche? Tu parlais de cet homme qui fumait, il fumait, tu ne sais pas que l'épisode là, j'avais déjà traversé ça, j'avais déjà traversé. Il était à quel niveau alors maintenant? Non, tu n'as pas retraversé. J'avais pas encore traversé. Donc il était encore là pour faire fou sur moi. Donc voilà. Donc vous voyez, dis donc qu'on ne fait pas élimination de cas comme ce poisson là, c'est là où j'étais, n'est-ce pas? Donc par élimination de cas, quand on tire le poisson, on met là-bas, on sélectionne le poisson. On met les maquereaux ensemble, on met ceci ensemble. C'est que le Seigneur nous a dit dans la chose. Donc quand je prêche au milieu de ces personnes-là, quand ils partent, je ne dis pas à quelqu'un de venir. Parce qu'en fait, il est hors lui. Ce n'est pas lui qui est là-bas. C'est un esprit. C'est là où vous comprenez que l'évangile est puissant. L'évangile est puissant. Ça crée la séparation. Ça crée la séparation. Ça discerne l'esprit. Vous dites, tu annonces l'évangile à quelqu'un qui a fumé le chanvre. Quand il fume le chanvre, s'il est des dieux, le chanvre qui fume, ça n'agit pas sur lui comme ça agit sur l'autre. Quand un collecteur n'est pas en train de voler les gens, il ne vole pas comme les autres volent. Quand un chrétien est malade, sa maladie n'est pas comme la maladie des autres qui n'ont pas d'espérance. C'est ça qu'on devait comprendre. Alors, je parlais ce jour-là, il a plus sur moi jusqu'à ce qu'il élimine la personne qui devait rester et rester là-bas. Quand il est resté en ce jour-là, il dit que derrière ta culotte se trouve une Bible, une petite Bible. Alors, non, la cigarette est tombée de sa main. Vous savez, quand il fume le chanvre, il fume la cigarette pour masquer l'odeur. Il a sorti comme ça dans son proche. Il dit que bah, c'est ça justement. Il dit que tu as fait une promesse à Dieu, tu n'as jamais tenu. Il dit que oui, c'est vrai qu'il est petit sur ta soeur et puis il a dit ce qu'il en est. C'est comme ça que Dieu fait. Vous voyez cela? Un autre jour, je partais accompagner quelqu'un à l'aéroport. Je me tiens là-bas en plein milieu avec les gens de l'aéroport de là-bas. Le Saint-Esprit me dit, tourne-toi. Il me tourne. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas encore ici? Vous savez, je suis au milieu des gens. Subitement, vous voyez, je m'éclipse comme ça. Je commence à chercher ce qu'il en est. Je me tourne, je dis, qu'est-ce qu'il en est ici? Je suis en train de surveiller. Il dit, regarde ce groupe de garçons. Je suis groupe. Il y avait parmi eux un garçon qui était habillé en veste, vraiment, vraiment frais. C'est une, il dit que celui-là, appelle-le, tu lui parles. Je suis tourné là. Il dit que vous, tous les cinq sont tous. Il dit non, celui-là. Il est venu, il est venu. Lui, il était en décide, fumé. Ça paraît de quoi il était question. Il est venu se tenir là. Il a caché sa cigarette comme ça. Vous savez, il ne sait pas, ils ont une façon d'allumer la cigarette. Oui, il caille comme ça, il dit que oui. Bien frais là. Première chose, réaction, c'est, vous savez, quand quelqu'un vous appelle, quand vous êtes petit, d'abord bizarre là-bas, on te demande, un petit garçon, ça m'appelle. J'ai d'abord présenté maintenant que je suis prédicateur. Quand je suis prédicateur, j'ai entendu la cigarette aller derrière comme ça. Il a balancé la cigarette par derrière, j'ai vu, il n'a rien dit. Il dit, c'est pas mon rôle de dire, je laisse la cigarette. Le Saint-Esprit doit le faire le signe. Puisqu'ils étaient là-bas nombreux, le Saint-Esprit a dit que parle à celui-là. Pourquoi il a demandé parle à celui-là? Alors je lui ai dit, quand tu te regardes dans la veste, tu ne dois pas être censé être comme ça. Tu es au milieu, tu fais des choses comme ça, on t'apprécie. Mais quand tu rentres dans la maison, c'est le miroir. Parce qu'en parlant, je le vois devant le miroir. Quand il était dans le miroir comme ça, des choses ont défilé ses pensées, traversé ses pensées. Tu es devant le miroir comme ça, la réalité, là tu pleures. Mais quand tu portes la veste, tu te donnes pour important, mais tu souffres à l'intérieur. Il a commencé à bouger debout comme ça. En fait, en sortant, il venait de chez son parent à Idéa. Et son père était un pasteur. Son père a prié pour lui dire, change ta vie, change ta vie. Je te recommande entre les mains du Seigneur. Il a dit qu'il a fui ça à Idéa. Voici ce qu'il s'est trouvé ici à l'aéroport. Quand tu es de Dieu, tu ne peux pas le fuir. Et il connaît tous ses enfants. Souvenez-vous de cette parole qu'il a donnée. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Elles ne suivront point un autre. Elles fuiront loin du mercenaire. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ces bergers. Si vous ne vivez pas ces choses dans l'esprit, vous ne vivez pas cette réalité, vous ne pouvez pas comprendre ce que le Seigneur Jésus est en train de dire. Regardez ce matin que tu peux en train de rentrer, adorer à Jérusalem. Il rentre, il allait accomplir les devoirs religieux jusqu'à ce qu'il allait rentrer. Là, le jour-là, il était sauvé. Là-bas, à Jérusalem, il n'était pas sauvé. Vous savez ça? À Jérusalem, il n'était pas sauvé. Il était dans les rituels. En route pour entrer, il était sauvé. Vous savez ça, frère? Vous savez ça? Ou bien il était sauvé depuis? Alors, c'est comme ça que Dieu fait. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Je reviens maintenant au stade. Je demande la Bible, papa t'a bouche la tête maintenant que non, ne nous égare pas. Que depuis là, mais on ne comprend pas la suite de l'histoire. Ou bien on reste comme ça, la prochaine fois, il continue. C'est là. Ah, c'est un cadeau merveilleux. Alors, je suis au stade, maintenant, je demande à ces garçons que donnez-moi une Bible, je vais vous parler. Parce qu'en réalité, pendant qu'ils parlaient, c'est l'histoire de ces gens disent qui. Si l'évangile vous dépasse, si les autres parties de la Bible vous dépassent, lisez Jean 10, la signer là-dessus, vous entendez sa voix. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celle-là, il faut que les pasteurs l'amènent, c'est ça? C'est ça? Il a dit, celle-là, il faut que qui l'amène? C'est ça qu'il a dit, frère? Il faut que qui l'amène? Lui. Donc, le chef est en haut, il commande toutes les exécutions ici en bas. Il commande tout ce qui se passe ici en bas. Donc, tous ces histoires qu'on organise, on dit qu'on donne les tracts là pour que les gens donnent que s'il n'y a qu'un de décision, c'est des histoires. Vous signez un cadre de décision. Pendant que vous signez, c'est comme ça que je signe, hein, que je suis enfant de Dieu. Il dit en haut, rejeté. Que rejeté. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous. Ok. Il faut qu'il l'ait fait. Alors, j'ai dit, je veux la Bible. Donc, présentez-moi la Bible, je vais vous en dire. Ils sont partis, les trois sont partis. Je suis resté là-bas. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il en est? J'ai observé maintenant, l'autre a pris la moto, celui dont je disais que ça le touchait, il a pris la moto, il a commencé à faire, vous savez, dans les films, quand on fait les motos, on tourne, ça fait la poussière. Il faisait tourner, je disais, je vais voir ce que les garçons se vont faire. Je surveillais, il a fait boum, boum, boum, boum, boum, boum, il est venu, elle a gardé devant moi, il a dit, tu as dit que tu voulais la Bible, non? J'ai dit, oui. Il dit, monte, on part chez moi, je te donne la Bible. J'ai dit, ok. Je suis levé, je suis monté, pas, on est parti là, il roule, il entre chez lui, pam, il entre avec la moto, il entre dedans, il part chercher une Bible, il vient me donner, quand? Il dit, attends, il part chercher la machette, il dit, oui. Pas chercher la machette. Il dit que faut qu'il n'y ait pas de poussière. Vous savez, sa maison, il y a encore là. Non, c'est pas pour me tuer, frère. Il y a une broussaille là-bas. Il a dit, je ne sais pas comment j'ai fait ces choses-ci. Il dit, il ne faut pas rester à la maison pour qu'on ne nous dérange pas. J'ai commencé à suivre. Il savait que c'était lui. Il savait que c'était lui. J'ai commencé à suivre. Il a pris la machette. J'étais là, je lisais la Bible. Vous savez, vous dites, il prend la machette. S'il me coupe au dos, c'est que cette sensation-là que j'ai eue. Est-ce que vous comprenez? Dans toutes les villes où je passe, le Saint-Esprit m'a averti que des liens et des tribulations m'attendent. Si tu averti, il n'a pas dit que fuis les tribulations. Il dit que ça t'attend. Donc avance, tu te trouves. Alléluia. Non. Si c'est le chrétien, je marche sur les pas. Tu marches sur les pas. Hein? Ok. La personne s'est dit que le Saint-Esprit qui a inspiré cette Bible a dit que les liens et les tribulations t'attendent. Donc tu dis que, oh, la Bible déclare que par le Saint-Esprit toujours. Il dit que, frère Paul, ne parle pas au nom de Jésus. On dit poussé par le, on dit les disciples, poussé par le Saint-Esprit, lui disait de ne pas partir. Et le Saint-Esprit lui l'avait dit que avant ça t'attend. Le Saint-Esprit dit que Dis-le, il n'est pas parti. Vous dites, vous êtes dans quelle Bible là maintenant? Paul se tourne là-bas et dit, mais vous faites quoi là? Paul, le papa de l'île de toute façon t'attend au nom de Jésus, le papa, nous renversons ça. Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites une minute. Ah, Seigneur, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. On est entré donc là, je suis tenu debout devant la maison, il allait prendre la Bible, j'ai ouvert la Bible, j'ai ouvert Jean chapitre 10, j'attendais. Il allait prendre la machette sortie, une grosse machette sortie. Aller là-bas, monter au champ, j'ai attendu, il a débossé, aller quelque part loin dans l'extrémité où il y avait vraiment le calme. Il est sorti avec deux chaises, aller là-bas monter. Quand il est sorti avec la chaise, je savais que c'était lui. Alors ici, là, maintenant, il y avait quelque chose à manger. Alors on commence à comprendre le Seigneur dans ces Jean chapitre 4, quand il s'était assis là-bas, pour utiliser la Samaritaine comme un appât. Les disciples sont allés en ville pour acheter la nourriture, ils ont dit, maître, mange. L'autre s'est venu en retard. Il y a une autre nourriture là, que je m'apprête à manger. Souvenez-vous de cette parole du Seigneur Jésus-Christ. Ma nourriture est de faire que la volonté de mon Père. C'est ça qui doit donner satisfaction à toute personne. Le but de chaque chrétien, des vrais, des authentiques chrétiens, devrait être de satisfaire le cœur de Dieu. De faire ce que Dieu a demandé de faire. Vous comprenez ça, frère? Il allait chercher deux chaises, venir s'asseoir là-bas. Il a dit, allons-y. J'étais devant lui, je l'ai suivi. On est entré dans la brousse. Vous savez, j'étais en culotte. Vous savez, quand on débrousse là, ça débrousse de moustiques. Les moustiques étaient sur moi comme si, vous savez, Satan peut utiliser n'importe quel arme pour te décourager. Il peut utiliser n'importe quel arme pour te décourager. Vous pouvez dire que c'est les moustiques naturels. Les moustiques là-bas n'étaient pas naturels. Naturels. Parce qu'il veut que, il sait que naturellement, il n'aime pas les moustiques. Mais quand c'est, je dis que, lis ici, Jean 10, dis mon frère, lis Jean 10, parce qu'il fallait qu'on aille au bout. Les moustiques étaient sur moi. Ils étaient sur moi. Je suis en train de parler. Alors il a ouvert la bouche, il a commencé à dire, en réalité, quand tu parlais là-bas, au stade là-bas, c'était moi que tu parlais. C'était mon histoire que tu parlais, parce que ça fait longtemps qu'il n'entendait pas la voix de Dieu, il était troublé. Donc c'est de moi que tu parlais. Il dit, la sensation que j'avais depuis 4 jours est finie. Donc c'était la personne qu'il fallait attraper. Alors entre temps, donc, il y a une soeur de ma femme qui venait à la maison, il fallait qu'il parte la chercher hors de quartier. Je lui ai dit, ok j'arrive, parce qu'on a appelé des séances de nom. Il dit que j'arrive, attends-moi ici, lis 1 Jean chapitre 1 Jean, j'arrive. Il dit que non, ok, il n'y a pas de problème, tu vas me trouver ici. Je suis parti. En réalité, quand il m'a transporté du stade, il habite à côté de ma maison, à proximité de ma maison. Quand j'ai vu ça, je n'ai rien dit. J'ai dit, ok, reste ici, je viens. Je suis allé rapidement, je suis allé. Et ma femme et les enfants, ils ne savent pas d'où j'étais. Quand ils sont entrés à la maison rapidement, boum, j'ai dit, ok, je m'en vais prendre ta soeur, je reviens. Il dit, je m'en vais au champ. La femme dit, que garde-moi le palmiste. C'est ce que ma femme a dit. Elle dit que je lui garde le palmiste en rentrant. Vous savez, elle aime le bon. Vous appelez le coq. Que je lui garde le. Le palmiste pour. Et je sens de la roche sans machette. Elle dit que je lui garde le palmiste. Je ne vais pas prendre le palmiste dans un champ que je n'ai pas là-bas. Je ne vais pas voler, il vient lui donner. Elle ne savait pas que j'avais plus que le coq, n'est-ce pas, frère? Plus que le palmiste. Je suis rentré rapidement. Le gars dit, mais attends, c'était rapide. Et il dit que oui, c'était rapide. Il ne savait pas que j'étais à côté de la maison. On traverse la route là, sa maison à côté de moi. Mais je ne connaissais pas qu'il était là. C'est pour cela que vous allez faire le plan pour sauver les gens, vous n'en sauverez pas. Vous avez fait le plan pour sauver des gens, vous n'en sauverez pas, parce que ce n'est pas une affaire humaine. C'est une affaire de l'esprit. Il est à côté de la maison. D'abord, à la maison, il ne mange pas, je suis là pour lui ou bien il sort de la maison. Et ça, quand il sort, il n'emprunte pas ces roues-là. Donc, il est là. Alors, j'ai fini, en revenant maintenant, je viens, je constate qu'il sent maintenant bon. Il a changé, oula. Il a changé de vêtements, il était en culotte comme moi. Il a porté maintenant le pantalon bien dressé, il avait réveillé, il était là, il était assis calmement, comme ça, il avait prié. Il a arrangé le banc. Il m'a même dit qu'il va clouer maintenant le banc là-bas, que désormais, on vient méditer là-bas. Il dit souvent vous clouez souvent dans les champs pour fumer plus tard, n'est-ce pas? Oui. Et nous allons fumer maintenant la Bible, pas vrai? Il a dit oui, c'est ça. Alors, vous savez ce qui s'est passé? On a prié là-bas, lui et moi. Il dit ok, maintenant, regarde devant. Il faut. Bon, il y a des choses qu'il ne vous dit pas. Il ne dirait pas dans l'autre là. On s'est mis à genoux, on a prié. Pendant qu'on priait, j'ai prié pour lui, il priait lui. Mais je dis que toi-même, parle pour ta cause. Quand cet homme-là, cet enfant rentre à la maison, il est allé voir son père, il lui a dit que papa, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre Dieu et contre toi. Dis-lui toi-même. Pendant qu'il disait, le Saint-Esprit a dit que mets la main. J'ai mis une main sur son dos, la main droite sur son dos, la main gauche sur son cœur. J'ai prié pour lui. Son cœur vibrait à l'intérieur comme le moteur turbo. Bouh, bouh. Il s'est levé là. Je vais vous raconter maintenant l'histoire. Nous sommes samedi là. Vous savez ce qui s'est passé? Dimanche, il était question donc qu'il vient avec le frère Haché, rencontre le frère Haché. Il n'est pas venu, il a dit que c'est le soir. Et c'est pour eux donc maintenant que chaque soir, j'ai l'église qui se réunit dans ma maison. En venant le soir, il est venu justement à l'heure de la prière. Il s'est assis là. Et avant qu'il ne vienne, j'étais couché, je dormais. C'est lui que je voyais dans le songe. Je voyais dans le songe, il avait une bagarre terrible avec la matière, où il a dû couper quelqu'un. Après, quand il s'est levé s'asseoir, on a donné l'exhortation, l'exhortation. Quand on a fini, j'ai dit que j'ai vu quelque chose de toi, il y en a tout plein, mais je vais te donner un. Il a dit, c'est quoi, oui? Vous savez, le Saint-Esprit. J'ai dit, je t'ai vu avec un garçon, ce garçon a fait quelque chose, j'étais vu, il est sorti, il a surgi du noir. Tu as pris, c'est la matière que j'ai vu entre tes mains. Tu as coupé le garçon et puis tu as regretté. Il a bougé sur la chaise comme ça, là. Il m'a regardé comme ça. Il dit, c'est vrai. Il y a une semaine, il y a un garçon qui l'a donné ma moto. Après, il a commencé à se fâcher. Il voulait donner à ma moto. Il travaille l'argent. Il veut pas me donner l'argent. Il me donne l'argent. J'ai pris la matière. J'ai lancé comme ça. Là, ça a coupé son doigt. Vous savez comment le Saint-Esprit fait? La colère. Il dit que c'est une partie. Il veut t'en dire encore plus. Alors, vous savez ce qui s'est passé? Les frères qui étaient assis à l'assemblée là sont sortis que frère Junior, tu nous dépasses. Ils sont partis que l'assemblée est finie. Ils sont partis. Chacun veut se dire que non, il faut que ma part soit ici comme ça. Pourtant, ce serait merveilleux que ça sorte ainsi, pas vrai? Que ça sorte ainsi. Souvenez-vous de papa Joseph qui était ici, qui était allé en bordure de mer, là, on a invoqué l'esprit. Souvenez-vous. Un seul, vous pouvez être en train de croupir sur certaines choses comme ça, alors qu'il y a une seule chose qui attache, qui est le nœud du problème. Et que dénoncé par le Saint-Esprit, toute la chaîne s'écroule. Toute la chaîne, ça s'écroule. Alors maintenant, voici donc un cadeau qui est similaire. Il y a un garçon au quartier, c'est lui qui arrange les roues de la voiture. Il est musulman. Il s'appelle Ismaël. Chaque fois, je vais chez lui, j'arrange ma voiture. Celui qui arrange ma voiture, quand c'est mis à la maison, il vient arranger. Alors, il est venu un jour à la maison, il s'est assis, j'étais en train d'écouter l'enseignement. Il ne sait pas qui je suis. Il entend l'enseignement, il me regarde, il entend la même voix. Il dit que, hey, c'est vous qui parlez dans la radio là où c'est la radio qui parle, qui émite votre voix. Je dis que c'est moi. Il dit, mais vous êtes même quoi finalement? Il dit que, ouais, je suis masqué, je suis. Il dit, mais vous êtes simple comment comme ça là? On croit que. Vous êtes compliqué, mais vous êtes simple. Il dit, assieds-toi. Alors le frère Iba de la Côte d'Ivoire a appelé. On est en train de parler en vidéo. Il dit que frère Iba, voici Ismaël ici, il est musulman, il est venu me confronter ici. Frère Iba a dit que Ismaël, ça ne doit pas te laisser. Là où tu te trouves, là, ça ne doit pas te laisser. Alléluia. J'étais en train de prier pour lui. Il est laissé partir. Il est parti. J'étais en train de prier pour lui. Le Seigneur a dit, dis-lui, il s'appelle Christ Victoire. Christ Victoire. C'est merveilleux tout simplement. Il s'appelle Christ Victoire. Il s'appelle Christ Victoire. Il est venu un de ces jours. Il dit que ton nom n'est plus Ismaël. Ton nom est Christ Victoire. Il m'a regardé comme ça. Il a ri. Tu m'amuses. Hein? Je l'amuse. C'est moi qui ai parlé. Ok. Souvenez-vous des pentecôtistes là qui dit que je ne m'appelle plus pauvre. Je suis maintenant fervor. Ou on dit fervor is your name. Si tu t'appelles comme ça, que c'est toi qui as dit. Ça ne changera rien. Quand Christ, quand Dieu a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, ton nom sera Abraham, l'effet prophétique de ce nom va avancer. Ça va avancer. Vous savez ce qui s'est passé? Jeudi dernier, il me dit donc que je vais aller, j'ai mon grand frère qui est à Ange-Raphaël, au quartier là-bas. Il m'a appelé. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. En fait, son frère l'avait invité pour l'aider à déménager. Il allait l'aider pour le déménager. Hey! Ah, et vous savez, j'ai dit, je suis en joie parce que c'est mon cadeau. Alors, celui qui vient me raconter par la suite, je suis là, je l'observe. Il dit, ah, frère, je ne peux pas toi baptiser là, maintenant. Alors, il dit, mon grand frère m'a invité. Je lui ai dit quelque chose, il me dit que je suis fou. Hein. Il dit, c'est quoi? Il dit que, quand il portait les choses pour sortir, je lui ai dit que mon nom n'est plus Ismaël. Je suis Christ Victoire. Alléluia! Quand il dit, j'ai fait comme si ça ne m'intéressait pas. Il dit que, mais, et comment, vous savez, c'est la voiture est tombée en panne, ce qui fait qu'il était avec moi. On a duré plus de 4 là-bas, ce qui fait qu'on a intérêt à converser. Il faut que le sujet de conversation vienne. Je converse tout, sauf de dire que donne ta vie à Jésus. Nos bonnes œuvres, nos façons de vivre. Il faut que vous soyez la lumière du monde. Alors, il a dit, quand j'ai dit ça, mon frère s'est tourné à regarder ma femme. Il m'a dit, si ton temps est arrivé pour mourir, il faut dire aux gens simplement. Donc son frère lui a dit que si tu es prêt à mourir, bien tu es entré quelque part, on a suivi ton cerveau, il faut commencer à nous dire. Il lui a rétorqué en disant, je ne suis plus musulman. Je suis chrétien. Alléluia. Alors, au carrefour là où il travaille, on l'appelle Christ Victoire. Maintenant, tout le monde connaît qu'il s'appelle Christ Victoire. Hier donc, il m'appelle, il dit que, pasteur, il veut que tu pries pour moi. J'ai la colère en moi. Je sais que si tu pries pour moi, ça va aller. J'ai commencé à prier le matin. J'ai prié, senti, mais je me suis senti bien. Quand il invoquait le nom du Seigneur, je me suis senti bien, vraiment. Mais c'est que la plus grande, si tu mets la main sur moi, ça va aller. Amen. Voilà le trophée que le Seigneur peut faire. Voilà ce qu'il peut faire. Sans campagne d'évangélisation, sans micro, sans publicité. Mais par la puissance du Saint-Esprit. L'évangile est puissant. L'évangile est puissant. Il faut dire la vérité. Il faut être dans la vérité et dire la vérité. Il ne s'agit pas qu'une grande foule, que 400 000 personnes ont tenu leur vie à Jésus. Ce n'est pas de ça dont il est question. Il suffit de savoir qui est la brebis égarée. La brebis égarée. Le Seigneur n'est pas venu pour les foules, il est venu pour les brebis. Pour ses brebis. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi, mes chers frères? Donc, se laisser conduire par le Saint-Esprit est important. Pourquoi? Parce que si on ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit, on va suivre les principes humains. Les principes humains, et ça va nous conduire à la dérive, à des frustrations. À des frustrations. Me suivez, frère? Donc, le frère a des problèmes de baptême, mais là, maintenant. Donc, je lui ai dit que, Christ victoire, il faut que tu sois baptisé. Il dit qu'on fait comment pour se baptiser? Il dit non, on va à l'eau, on te baptise. Il dit ok, bien qu'il y ait peur de l'eau, que l'homme est noir, je suis prêt à partir. Amen. Il ne dit pas que le baptême c'est quoi? Vous savez, c'est le chrétien qui philosophie là-dedans. Le baptême c'est quoi? Explique-moi bien pour qu'il sache où je m'engage. Un musulman, il faut que tu te baptises. On se prépare comment? Il dit non, on va, tu te baptises. Tu es qualifié pour te baptiser parce que tu as cru. Il dit ok, je m'en vais pour me baptiser. Point final. Mais nous qui avons effleuré la chrétienté, tu es sûr que votre baptême, là, quand on baptise comme ça, il n'y a pas un esprit qui entre dedans. Tu es sûr que tu vas verser quelque chose dans l'eau. Tu es sûr que tu n'y a pas. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est pas un sujet de réjouissance. C'est un sujet de réjouissance, pas vrai? Qu'est-ce qu'on peut chanter au Seigneur? Amen. À Dieu soit la gloire dans son grand amour, dans mon âme et moi, c'est le jour. Jésus, à ma place, mourut sur la croix, il montre sa grâce et je la reçois. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ce moment merveilleux. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence soient à jamais pour toi. Que tout ce que nous allons agir, faire et exercer sur cette terre soit pour ta gloire. Donne-nous chaque seconde de comprendre tes voix. Donne à tous ceux, ô Dieu, qui n'entendaient pas ta voix d'entendre. Permets, ô Dieu, dans ta miséricorde, que nous ayons accès à cela. Donne-nous de discerner dans nos marches, Père de gloire, ta voix. Donne-nous dans nos pas de comprendre que ce n'est pas à nous, ô Dieu, de guider notre pas, mais que c'est toi qui nous conduis chaque jour, chaque pas, chaque action, chacune des choses que nous faisons, que c'est toi qui l'accomplis pour nous. Donne-nous de comprendre ces choses et de t'abandonner tout nos cœurs, toute notre voix, toute notre espérance. Donne-nous de comprendre que tu es Seigneur dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et à combien plus raison dans l'air que nous respirons et dans nos propres vies. Donne-nous de ne pas être des dieux dans notre vie, mais que ce soit toi seul qui soit le souverain de nos vies. Que ce soit toi qui contrôle toutes les actions et tous les faits, les pensées de nos cœurs. Donne-nous que cela soit vrai pour nous. Donne à tous mes frères et sœurs dans le monde entier de comprendre l'importance de se laisser conduire par toi. Car tu as dit que tu connais le chemin que tu as prévu pour nous. Tu connais les desseins que tu as formés pour nous. Tu connais les projets que tu as formés pour nous. Donne-nous de comprendre que nous n'avons pas à réfléchir là-dessus, mais de faire confiance à ton Saint-Nom, à ton bras puissant et étendu. Que de la gloire, l'honneur te revient. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.